Er weer een uur, dat zullen we heen en bijzonder. C'est l'heure de retrouver Hind à Brésonc. Vous êtes bien avec Anne et Henri sur RKB pour Hind à Brésonc. Comme d'habitude, on commence par Gary Warvue, l'émission 447, Perrand Seize à Dowigan, c'est bien. Ça Henri? De quel mot tu vas nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a un mot qui m'a semblé évident à traiter, c'est « enad », qui veut dire « évident ». Alors c'est un mot qui est un très vieux mot, hein. C'est un vieux mot celtique, hein. D'ailleurs on le trouve en gaulois déjà sous la forme Arignatos, qui était un nom de famille, c'est-à-dire celui qui apparaît. Et donc en breton d'aujourd'hui, enat, qui s'écrit A-N-A-D ou A-N-A-T, D c'est plus proche de la prononciation, hein. Donc, qui veut dire évident, avéré, apparent, patent, hein, visible. C'est toujours traduit par évident, mais c'est pas évident. c'est quelque chose qui est visible, qui est avéré, hein, voilà. Et c'est à la fois un adjectif et un nom masculin qui désigne l'évidence aussi, hein. Un enat, une évidence, hein. Voilà. Alors c'est un mot qui n'était pas tellement employé dans le langage traditionnel. Enfin personnellement je l'ai jamais entendu quand j'étais gamin. On disait plutôt sclère, hein, on dira sclère, sclère et jonge. Hein. Mais c'est un mot qu'on entend très souvent maintenant dans le breton d'aujourd'hui. Hein. En AD, hein, il est évident que. Ça me rappelle quelqu'un, tiens, j'ai connu quelqu'un qui commençait ses phrases souvent par « il est évident que ». Ça veut dire, c'est un trait de caractère, hein. Mmh. Ça veut dire qu'il n'y a pas de discussion possible, hein, quand on commence en disant « il est évident que ». c'est pas toujours évident d'ailleurs. D'ailleurs, les évidences, il faut s'en méfier. Une évidence, c'est une réalité que normalement on ne peut pas nier, mais souvent, l'évidence est une illusion. Ce qui paraît évident ne l'est pas. Voilà. Alors, on a des dérivés, par exemple, en aden. Alors, en aden, c'est un mot féminin qui veut dire un phénomène. Donc, c'est toujours cette idée d'apparition. Hein. Alors, il y a aussi un verbe, hein, qui est en adine, hein, qui veut dire se manifester. Hein, voilà, quelque chose qui était caché et qui se manifeste. Voilà. Alors, il y a aussi un autre verbe, alors deux verbes qui se ressemblent, mais qui n'ont pas le même sens. Donc, en adine, qui est se manifester, et en atat, qui est démontrer. Hein, démontrer, par exemple, en mathématiques, hein, en atat andra benekna. Hein, donc, dans les problèmes de mathématiques, on demande souvent une démonstration. Et quand j'étais au lycée, on terminait par CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Je ne sais pas si ça se fait encore dans l'enseignement des mathématiques actuelles. CQFD. Et puis c'était passé dans le langage commun, bien sûr, hein, l'expression. Alors, en atadur, c'est un mot masculin qui veut dire justement une démonstration. Alors, d'autres dérivés, dit en at, hein, bon, bien sûr, dit, c'est un préfixe qui donne le contraire, hein, donc peu évident, hein, dit en adé, hein, c'est pas évident, c'est, voilà, c'est un adjectif qualificatif, hein, dit en at, qui est le contraire de en at. Alors, on a le verbe en adine, dit en adine, qui veut dire disparaître, hein, voilà. Peur en at, c'est très évident en fait. Hein. Patent, ah oui, patent. D'ailleurs, patent, ça se dit aussi. Je l'ai déjà rencontré en breton, hein, utilisé aussi patent, hein, pour dire quelque chose qui est très évident. Alors, par exemple, oui, pour revenir à en at, on va dire par exemple en at et warnan et clan. Hein. C'est évident, qu'il est malade. D'ailleurs, ça se voit sur lui, hein, qu'il est malade. Voilà. Comme je le disais, c'est quelque chose qu'on n'employait pas beaucoup dans le langage courant, on disait plutôt sclère et entrou, hein. Voilà, pour quelque chose d'évident. Et puis, pour dire évidemment, on disait, on dit toujours evel juste, hein. Evel juste, évidemment, quoi. Mais je vois que le mot enade, dans le breton d'aujourd'hui, est de plus en plus utilisé. Alors aussi, pour mettre en évidence, on emploie l'acad enat, hein, voilà. C'est-à-dire mettre quelque chose en évidence, quoi. Bon, ben, je sais pas si on a réussi à mettre en évidence l'utilisation de enat, mais on va s'arrêter là. Merci Henri, on passe à la deuxième partie d'émission, Brezhoneg temps matin. Deuxième partie d'émission, Brezhoneg temps matin. Henri va nous parler du docteur Tricoire. Oui, j'avais l'intention au mois de mars de parler du docteur Tricoire, qui est Jean Tricoire, qui est mort il y a 20 ans, hein, au mois de mars 1994. Et puis, j'ai dû faire autre chose et c'est resté en plan. Donc, on va essayer d'en parler avant. Avant de passer en 2015. Et donc, le personnage Jean Tricoire, c'est un personnage très intéressant, et puis qui est lié à notre région ici, puisque son épouse était de Glomel, et c'est pour ça qu'il s'était mis à apprendre le breton. En fait, il était né en Vendée, à Saint-Martin-des-Noyers, donc en 1921, et donc il avait fait des études de médecine. D'ailleurs, on trouve toujours docteur Tricoire. Souvent même le prénom n'est pas, hein. Il s'appelait Jean. Et donc il avait fait des études de médecine à Nantes, il était spécialisé en pneumologie. Donc métier qu'il a exercé dans plusieurs endroits, en particulier à la fin de sa vie à Châteaubriant, où il est décédé en 1994. Alors on dit qu'il avait appris le breton pour parler à sa belle-mère, qui était de Glomel et qui ne savait pas le français. Bon, c'est une belle histoire, mais je pense qu'il avait d'autres motivations quand même. Alors, il a commencé à étudier le breton parlé de Haute-Cornouaille en 1948, après son mariage. Et en 1951, il a publié une méthode d'apprentissage du breton, qui était novatrice à l'époque, puisqu'elle était accompagnée de disques. Donc, des enregistrements et puis donc un livret. Et cette méthode, par exemple, a inspiré aussi André Mers, par la suite, hein, qui faisait des chroniques hebdomadaires en breton sur Ouest-France, et qui enseignait le breton, et puis qui était lié aussi à Glomel, hein, puisqu'il a été instituteur à Glomel, à André Mers. Alors, il a été, donc, il s'est intéressé donc au breton, et il a, donc, je dis, il a publié des méthodes de breton, enfin, une méthode de breton, hein, qui est « Comme zomlen en m'ascrive, on me présente », que voilà, j'ai cette relique là sous les yeux, tu vois, il est pas en très bon état. Il a vécu. Hein. Il a vécu, ouais. Et donc, c'est une méthode de breton qui est très intéressante. Il y aurait une histoire à faire des méthodes de breton, parce que, bon, elles ont évolué en fonction de la société, bien sûr. Et ces méthodes de breton, là, sont des méthodes qui sont apparues dans les années 50, 55, par là, à une époque où on commençait à se rendre compte que la langue de bretonne était en danger. Et donc, on a voulu la transmettre par des méthodes, puisque bon, les familles commençaient à abandonner l'usage du breton pour leurs enfants. Donc, des gens se sont mis à écrire des méthodes de breton. Par exemple, il y a eu Vicente Seité aussi, dont on parlera une autre fois, qui est mort la même année, en 1994, qui avait écrit aussi le breton par l'image. Donc, c'est les balbutiements, en fait. Bon, il y en a eu avant la guerre déjà, mais enfin, il y a eu une floraison à ce moment-là de méthodes de breton. Alors celle-ci est très intéressante parce que c'est en même temps un document ethnographique, hein, puisque bon, il y a beaucoup de descriptions. Par exemple, le pardon de Sainte-Anne-la-Palue en 1951. Donc là, l'auteur raconte qu'il est allé au pardon de Sainte-Anne-la-Palue et qu'il a filmé le pardon de Sainte-Anne-la-Palue. Et il fait une transcription du film qu'il a réalisé. Il y a d'autres choses amusantes aussi sur. Il y a beaucoup de choses sur le breton de la ferme là, par exemple. Hein. Tiens, tu vois, on n'a pas la caméra, mais enfin bon. Et des très jolis croquis. Et des très jolis croquis, voilà. Et puis il y a aussi une description saisissante d'un repas de baptême qui est vraiment intéressante parce que bon. Le menu est assez pantagruélique et les ablutions avec aussi, quoi. Donc c'est, donc il y a énormément de choses dans ce livre là. Bon, on voit un peu comment il concevait l'enseignement du breton avec aussi beaucoup de comptines, beaucoup de rimadels, quoi, des proverbes et puis des textes bretons écrits par des écrivains bretons de différentes régions de Bretagne. Voilà. Donc, alors le docteur Tricoire donc a reçu le, il a été président d'Emglobreys aussi, d'Emglobreys entre 63 et 68 après le docteur Dujardin. Et bon, il a consacré une grande partie de sa vie finalement à la défense et l'illustration de la langue bretonne. Il a reçu le collier de l'Hermine en 93, un an avant sa mort. Il n'avait pas pu venir d'ailleurs. Ça a été remis à Dinan et c'est une de ses filles qui était venue. Prendre le collier de l'Hermine, quoi, pour lui, à son nom, quoi. Voilà. Donc, un personnage intéressant, et ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est qu'il est très lié à Glomel, puisque il a, son breton est largement inspiré du breton de Haute-Cornouaille, en particulier de la région de Rostrenin, quoi. Alors, justement, j'ai parlé un petit peu de Vicente Seité au passage. Et ben, je pense que la prochaine fois, on parlera un peu de Vicente Seité. Merci, Henri. On passe à la dernière partie de l'émission. Petra Zonévière-Vrou. troisième partie d'émission, Petra zone ver vro eri. Kal se draou zone ver vro evel jus boer vej diouzon. Krogom de diantan evel kiz a custum, gant el arbour douar hag ar vue war ar mez. Neus ke gwal belzo ba vilpain, tost de baris, ze oa ba mizheri, e oa bet salons un trevadou hag ar bouet, da la rade pez vel ar den gal hag ar sial. Hag aze oa bet spen kan ambregerez, deus bro breiz am, zo labourad war bep sortrao met liam gant ur bouet. Da skouer gant un evachou, gant un ispisiri, ur frouez e legumaj, bouet ur mo, bouet lez, kouignou a bep sortrao el. Hag aze oa obern velmeus lard obern an embregerezio, hag bon zo disket pez oa moyen de gare de breiz am, hag zo ledant tri. War da chen an ekonomi ez bromen kom ze ve kalz an mar emant eus un erborjou. Pez ve lard aéroport in galak. Pe dur, bon, diat an tout ve kom ze deus ini itron vari a lan eir, tost naunet. Hag an otro minis tient an brohal, un eus lard an del vo gred an erborz kousto pe gousto. Hag eus koude, bon, pe vezel mat zo erborjou, ba, kucho lor vro am, kucho l brohal, hag bon, beb sa mot ve kont gante, ini tremuzon ba zambri ke ne dramna ke kalz a hir ini, genan. Bon, nan il a du, nan nu un zo in arvar, hein, pe dur ur CCI, ne zlard oa iskuiz stouf un toulo, un touleran. Bon, a ba anje zo nan hag ne dramna ke kalz a hir ini, je. Bon, setu ma trezen vo gred a ma trezen dramna ke kalz a hir ini, je ba, ba i trant varia l'an eil, an gwell vo pez amot vo kon. War da chen ur politik eras, bon, vretonne de zo chom roas badowet, gant pez so bet war vezet ba fin ur mis du, vant de bet evel jus karten ur rand vroioù, evel gant per departement vit breiz, evel oa begret gant maréchal Pétain, ba bla o nan da do ugen, hag bon chomer a breiz na hen gant per departement hag ne vo ke rats tag de bonan de vreiz. Hag bon me mestra zo ne be deputé de ne zavet din or breiz me mestra pu dion ne vot ne enep e vel Marc Le Fur, Paul Molac pe Annie Le Rouerou met de bon de zari el veke kle kom skals hein, de zari ne zvot de lezen ya garten se pe larin mort pu dur zur war nun ke wand de bouffal ganze, met de bon re de vo me mestra ma trezen disclair yon tam pi ou ne zvot de ne a pi ne zvot de du. Gwell le vo, mais ne ke bra ka out ze, pu dur vela randar re ne z trubard do bro ne ke wand de bouffal ganze. Ne veso zo be de imban de o lever, o bra lever, gant Michel Soyer à Nicole Soyer, au lever care, à Pligius, hag, zo bet imbanet gant imbanadur yo West France, hag, bon, moulet zo bet tri mil de diantan, a zo bet gwerz prim a prim, hag, bromen e bet rad voulet, a ze zo, or prof, prof care evit nedeleg, hein, j'y ron bag post nedeleg vraiment. Bon, hendel, en avènement des bavro strolat zonerien l'ostronios koulos, rizo saturostren a kalzedra ou vegret gante, vid la kadbu e bavro, hag blanman vo bamis voen vo rese ve gante, or strolat zonerien deus bro réunion, deus enezen réunion, hag bon zuroar vo kalz oblijat du roaz. O lever pe ont komz deus leveria oa deus evenadur, o lever zo bet imbanet neveso, war bu e Christian Troadec, pour de carrez o an aven mord, hein, evel stourmer. Hag o lever zez o begret gant Charlie Kral, zo ur gazetener a zo an aven mord, hein, evel just vidi stourm o ive. Hag imbanet ebe de lever gant Cobb Breiz. Hag bon gwerze ve bromen, hein, pem ze gero. Blanme, oa bet de gret vid ur kantvet gwech, ur basillon bal, baloudiak. Ze, bon, kant la so oa bet gret ur vech chantan, ba bla per ve varzek, Hag blanc mais bédis quiz est un dude pem quiz. Hag jon cas de jon jo ractress ou zo gande gande stroll à drasé d'asquer la cad zé ou ar bladen bladen l'air vo gwel de un harvest. De hugen lasso ou a bécrog de plus dur ve comme ze des alice des dé à blayo. De hugen lasso ou a bélance de l'arbre war vidhat zevel chapel nenes bakern gris moelou de hulser chapel wa kwet hag bon zo bekal ze la bon zo bekre de bwe un dro de chapel un dro de vanten hag zira doigen la so blan blan ya hag pudur ont koms de ze doigen la vi le festival plin vo mamez mod blan vo un doigen vet de a blan hag bon deja ve koms de ze de spes vos grès d'un bas festival plin, agar jonjon de vocals odud, blanc morvas. Ne vesso banaune de wabet de ro de trohougen herminik, gal hag eze collier de l'hermine, hag be plan ve raid o nebe tut, an eus labour et vibreiz hag vid zevena dur breiz. Hag blanc man ebe ro de nebe tut, Erwan Valéry, zo skriv an ur, an avet mad, hein, à Nicolas Félix Le Garec, un des great film au Ward Ashen Brace, à de gent en un an de zo Ranoven Mod, war Storm Plogo, vide Ener de Grayson Nucleel, vu le pape Jean zo Ranoven Mod, hein, vel, on tombe tard d'un trop brace, pis, had grand idée que c'est un trop brace, hag, Ener lance de IV, un drogne de Erzen ba Carnoët, hag un eus bet kolioc'h un herminik pe trohoug un herminik. A Jacqueline Le Codet Le Gwen, rao ar stal levri ou Cop Breiz ba Paris, deug un lasso, hag eus labour a kalz ive evit hel ri ou keltir gavel gant kendal. Bon, setu ur rez eus bet trohoug un herminik blanme. Pe on komz deus levriou, ya pe on komz deus levriou ba bakarez o be deus stal salons de levriou neus ke gwal belzo, hag ar ve gwel de pe gen pinvidig e en imban levriou breiz ar mar emant, pe dur zo war dro tri an imbaner, hag ve gret gante per mil lever pe tro dis be plat. Hag ar oa moyen de gant de kalz e levriou a de gomz gant skriv an eal. Ma sen peus gwelet oa begret o honkour vid ar brogoz gant e fertri. Bon, hag zezo fent eus oar, pe bon, tun eus kinig de film o ber gant vekan de brogoz oa beb son bot. Hag mod zo et gant kelik, plario an c'hwer la war nugen, a neus gret evel just, hein, bra brogoz, hein, hag gant mod zo al o mont de veaj, tro dro d'ur bet. Bon, setu an tamp et eus on eve bavro, hag l'ar an dar ken avo, tien ar vegel, hein? Ar vegel eri.